Question 36. Je peux laisser mon véhicule sur l'emplacement de droite au maximum 15 jours. Réponse A. 7 jours. Réponse B. 2 jours. Réponse C.